cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. فماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ Notre dernier cours. القاعدة الخامسة وهي أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى هذه القاعدة؟ تفضل. أحسنت. أسماء الله عز وجل لابد لهذا الإثبات من دليل. Il faut obligatoirement une preuve pour pouvoir prétendre, affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il a tel nom. والدليل c'est القرآن كلام الله سبحانه وتعالى والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي الوحي لا ريفيلاسيون. هذه هي قاعدة نافعة. هي très simple. قال رحمه الله القاعدة السادسة. La sixième règle. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. Les noms d'Allah سبحانه وتعالى غير محصورة أي ils ne sont pas limités dans un nombre connu pour nous. أما الله سبحانه وتعالى فبكل شيء عليم. أما بالنسبة للبشر فهذه الأسماء غير محصورة. On connaît pas le nombre exact des noms d'Allah سبحانه وتعالى. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث إلى صحيح. قال في الحاشية أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند وغيره حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك أي يا الله بكل اسم هو لك أي je te demande يا الله par tous tes noms, par l'intermédiaire de tous tes noms. هذا فيه التوسل بأسماء الله عز وجل. C'est مشروع. Et c'est min sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Ay, anna al-mu'min, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, fa yas'al bi ismin, munasibin bien sûr, ya rahim, irhamni, ya ghafour, ighfirli, ila akhirah. Fa qal alayhi salatu wa salam, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik. Ça, الحقيقة سنمونتخ أن أو سي أن أرغمون كذلك pour la règle précédente أن أسماء الله عز وجل توقيفية. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك القرآن أو علمته أحدا من خلقك. أي سنو إما الله سبحانه وتعالى سي نومي لبي من فاق سنو إما إلا غيبلي دا القرآن إما إلا أنسني à une de ses créatures بالوحي. أي كم notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام. قال واستأثرت به بعلم الغيب عندك. فالشاهد ما هو؟ تفضل. الشاهد هو أو استأثرت به. استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. فما وجه الدلالة؟ pourquoi tu l'as cité comme argument cette partie؟ الشاهد من هذا الحديث هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك. لا نجد الحصر في هذا الحديث المعدود. نعم أحسنت. قوله واستأثرت به في علم الغيب ماذا سيكوا كي كشي كنو كوني با يكو الله سبحانه وتعالى كي كوني سي سيختانو. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك. فالسين من الله سبحانه وتعالى إما On a une information. Certains noms, ils sont fait le Coran. Imma, ils sont fait Sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à un de ses serviteurs, notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qala aw ista'tharta bihi fi 'ilm al-ghayb 'indak. Il y a des noms, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas dévoilés. Il n'y a que lui qui les connaît, Azza wa Jal. Si tu as compris hadal hadith, forcément tu comprendras an asma Allah Azza wa Jal ghayr mahsoura. Pour nous. Limada li anna, on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a que 99 noms, ou que 100 noms, ou que 110 noms, alors qu'on ne sait pas. On est ignorant via hadal bab. Limada li anna Allah Azza wa Jal, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala ou ista'tharta. Il y a des noms, on ne les connaît pas. Enfin, comment on pourra les compter? S'il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dévoilé. Ça reste du domaine de l'invisible pour nous. Hada, c'est un dalil wadih anna asma Allah ghayr mahsoura. On revient à la règle. Qawluhu ghayr mahsoura al-hasru, c'est le fait de limiter une chose. Huna, dans un nombre. Fa lihada qal bi'adadin. Al-adad, c'est les nombres. فالحصر بعدد أي limité à un nombre معين précis هذا لا في أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأن en tant qu'être humain on a connaissance de certains noms. Enfin, on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a que tel nombre de noms. هذا إن شاء الله c'est واضح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. نعم صححه كذلك الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة رقم 199 numéro 199 le hadith numéro 199 de السلسلة الصحيحة. الشيخ الألباني l'a authentifié ce hadith et هنا الشيخ ابن عثيمين كذلك l'a authentifié et il est كما قالوا il est ثابت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. هذا ما تقدم معنا dans la série de questions qu'on a posées. فلا أحد يستطيع حصر هذه الأسماء. لماذا؟ لأن tu peux pas compter, dénombrer une chose que tu ne connais pas. هذا ما تستطيع أبدا. Tu peux compter une chose que tu connais. Imma, on t'a informé, imma, tu as ces choses sous les yeux. Mathalan, wahad, si nous demande un combien de personnes on est dans ce cours, on peut dire. Wahad, itnaï, thalath, ilah, on peut compter. Imma, quelque chose que tu ne vois pas, tu n'as pas connaissance. Comment tu vas dénombrer ces choses? Ma tastatiya. Ah, là, c'est clair. Qala fa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Inna lillahi. أو إن لله نعم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالحقيقة la première partie de la règle elle est claire avec le hadith d'Ibn Mas'ud رضي الله عنه أن certains noms Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés à personne, ça reste du domaine de l'invisible. فهذا c'est clair. لكن قد يشكل على البعض الجمع بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبين هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كما في الحاشية. Donc les deux hadiths sont صحيح. Et pour certains en apparence il peut penser qu'il y a une contradiction. ولله الحمد on a tous compris أن il n'y a pas de contradiction dans les أدلة. Enfin, forcément il y a une explication. Le premier hadith, un certain nom, on ne les connaît pas, et ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Fala yadul ala hasri al-asma bihada al-adad. Sahih, man ta'ammal al-hadith. Le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Man ahsaha dakhala al-jannah. Pour comprendre هذه المسألة, il faut comprendre قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها et كذلك comprendre الحديث جملة أي en aucun cas dans ce hadith النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré que les noms d'Allah ils sont limités à 100 أبدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفرمي أن الله لا 99 نوم. من أحصاها سيأتي معنا إن شاء الله تعالى معنى الإحصاء فإيغنطخ في الجنة. Celui qui fait cette chose avec ses 99 noms, il rentrera en Jannah. Est-ce que dans ce délit, dans ce hadith, à un moment donné, tu as une limitation et dans un nombre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan. Lakin, al-Ba'd, vu que dans ce hadith il y a un nombre, 99, certains ils ont pensé que Allah il avait 99 noms, et c'est tout. Le fait de limiter, de penser qu'il n'a que 99 noms, ça vient de la compréhension de la personne, pas du hadith. C'est une faïda azima. Anna, pour comprendre ton dîn, dans n'importe quelle mas'ala, tu dois prendre l'argument comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité, comme les sahaba radiyallahu anhum ils l'ont compris. Pas comme nous on l'a compris, anna, avec un hadith, bel avec... un verset du Coran al-Karim, بعض الناس ils peuvent le comprendre avec une mauvaise compréhension. فلهذا النص الدليل, on doit bien faire attention de ne pas rajouter, de ne pas enlever, de ne pas déformer, de ne pas comprendre avec les passions, de ne pas comprendre avec l'ignorance. L'importance de revenir à la compréhension des salaf. فلهذا tu ne trouveras pas as-salaf dire que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont limités à 99. Pourtant c'est eux qui ont rapporté هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخ العزيمين فلا يدل على حصر الأسماء بهذا. قال فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة. Ça nous montre l'importance de la langue arabe. لأن celui qui comprend la langue arabe, qui a des bases dans la langue arabe, في فهم المعاني, comprend le sens, si le hadith, le but, ça aurait été de transmettre que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont limités à 99, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit Inna lillah, 99 ismail. Bal Cheikh Ibn Uthaymeen قال هنا لكانت العبارة. Le hadith, ça aurait été pour montrer que c'est limité à un nombre précis. Fal ibara, ça aurait été quoi? Inna asma Allah 99 ismail, man ahsaha dakhala al-jannah. Aw nahw dhalik. تأملوا لا ديفيرونس إن أسماء الله 99 et l'autre hadith إن لله 99. Vous avez vu la différence, ceux qui comprennent la langue arabe فيلاحظون qu'il y a une différence. Et la grande différence c'est quoi? C'est قوله لله إن لله أي parmi les noms d'Allah 99. L'autre hadith إن أسماء الله, hey, les noms d'Allah, ils sont au nombre de 99. Vous avez vu la différence? Parmi les noms d'Allah, 99. Et les noms d'Allah, ils sont au nombre de 99. Il y a une différence énorme. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, Inna lillah. Hey, parmi les noms d'Allah, 99. Vaqi à la fin du hadith, elle est importante. Les anna, si tu as compris, anna, parmi les noms d'Allah, il y en a 99, avec la haqiqa, tu vas comprendre. Ma'na hada al-hadith. Hey, celui qui veut la récompense, dhul al-jannah, fa il doit appliquer le conseil du prophète alayhi salatu salam, man ahsaha, et inshallah on va expliquer la signification. Fa celui qui fait cette chose par rapport à 99 noms, il aura la récompense. Al-hadith, en aucun cas, c'est pour démontrer anna les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont limités à un nombre précis. Qala Ibn Uthaymeen, idhan, فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. Vous avez compris l'un. Pourquoi un Nabi sallam il a cité ce nombre 99? Pas pour démontrer أن الله il a que 99 noms. Abadan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم c'est lui qui a dit dans l'autre hadith أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Il y a que Allah سبحانه وتعالى qui connaît tous ces noms. On ne peut pas dire qu'il n'y en a que 99, abadan. Lakin Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal huna 99 pour te montrer anna hadhihi al-adad ay ce nombre 99 min sha'nihi anna man ahsa fa dakhala al-jannah. Ay man ahsa 99 noms, il rentrera au paradis bi idnillah azza wa jalla. بقي قوله أحصاها. الإمام النووي رحمه الله كما في الحاشية قال الإمام البخاري لقد بقت لأبقل دول الإمام البخاري وغيره من المحققين معناه أو معناها أي معنى أحصاها أي 99 من أحصاها أو نغب الإحصاء. قال الإمام البخاري وغيره من العلماء من الأئمة معناها حفظها، وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. معناها حفظها وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. وقال في الأذكار الإمام النووي وهو قول الأكثر. دونك من معاني الإحصاء الحفظ. De connaître, de mémoriser par cœur ces noms. 99 noms. تلاحظ هنا أن vu que comme ça y est, et inshallah vous avez compris, vu que Allah il a forcément plus de 99 noms. لماذا لأن si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré أن celui qui mémorise 99 noms, forcément Allah subhanahu wa ta'ala il en a plus. لماذا لأن العلماء en suivant les textes du Coran et de la Sunna, ils ont rapporté beaucoup plus que 99. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité une liste qu'on lira ensemble, Inch'Allah. Ça te montre, Anna, si celui qui apprend 99 noms, Fabi Idnillahi Azza wa Jal, il aura cette récompense. Wa zada al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ala hadha al-ma'na fi bada'i' al-fawa'id. Il a cité hadha al-hadith, thumma il a démontré Anna al-ihsa. إلى 3 نيفو. قال الأولى المرتبة الأولى أحصاها بألفاظها وعدها. سساء الحفظ. قال الإمام النووي رحمه الله إلى ستة. Donc connaître par cœur au moins 99. الثانية la deuxième مرتبة le deuxième degré فهم معناها ومدلولها. Et ça, c'est important. Avec la mémorisation, al-fahm. Comprendre, كذلك, la signification de ces noms. Ça nous montre أن مجرد الحفظ, ça ne suffit pas. قال رحمه الله والثالثة دعاؤه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم. هنا الكلام اختصره المحقق. Il est résumé. وإلا كلام ابن القيم رحمه الله. Il est plus long. Donc la troisième, العمل بها, العمل بمقتضاها. C'est ça, قوله دعاء عبادة. Et mettre en application, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, بمقتضى هذا الاسم. Et كذلك, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Celui qui a appris 99 noms, qui connaît le sens, qui connaît le sens, et qu'il les met en application, لله عز وجل, فلا شك أنه il fera partie, بإذن الله عز وجل, de ceux qui rentreront في الجنة. لماذا؟ لأنه الحقيقة, celui qui a étudié هذه الأسماء, فلا شك أن celui qui met en application ces noms, il va mettre en application الدين. Il va adorer Allah سبحانه وتعالى seul, il va s'écarter des péchés, il va suivre al-Nabi alayhi salatu wassalam la akhir. Lianna c'est ça muqtada hadhihi al-asma, c'est ibadatu Allah subhanahu wa ta'ala wahda ila akhir. Wal khawf minhu wal raja' wa mahabbatu Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbat dinihi ila akhir. Donc hadha la shakka fihi. Amma ma yaf'aluhu al-ba'd annahum ils accrochent 99 noms chez eux ou dans leur voiture, il a akhiré. Ou ils achètent des cadres, il a akhiré. Hada, c'est pas ça le mourad. L'anna hadhi l'asma la des ma'ani azima. Et le but c'est de les comprendre et de les mettre en application. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'ammalou, ma qal man hafidhaha. Il aurait pu dire man hafidhaha, celui qui les connaît par cœur. Qal man ahsaha. Al-ihsa, kama veyena ahlul lugha. C'est plus fort qu'une simple mémorisation. Naam, wa al-muhaqqiq, il a cité des aqwal qu'on lira pas huna, lianna ça c'est long, et Kalam ibn al-Qayyim rahimahullah, il résume hadhihi al-aqwal. Wallah al-musta'an. C'est comme le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, celui qui le comprend, qui le met en application, et s'il l'apprend par cœur, c'est encore mieux. Voilà, chaque. Annahu, il fera partie de ceux qui rentreront fil jannah. Ça nous montre. Anna hada din al-azim, c'est pas que l'apparence. On a entendu ce hadith, on connaît ce hadith, khalas. On accroche 99 noms chez nous dans un beau cadre, et que annahu, ça suffit. Wa'aduhum, ils ont accroché ce cadre. Wallahi, la ya'lamoun min hadhihi al-asma illa al-qalil. Certains, vous avez déjà vu, c'est de la calligraphie. Des fois, tu as du mal à déchiffrer certaines lettres. C'est pas ça le mourad. Le mourad, l'essentiel, c'est une étude, ou résumé, ou bref, de ces noms, avec une définition simple. Tu prends le premier nom, matalan, que tout le monde connaît, et c'est l'ism al-a'zam, ala sahih. L'afdul jalala, Allah, subhanah. Ça veut dire quoi, Allah? Chaque mot, il englobe une sifa. Enfin, c'est quoi la sifa? Thomas, ça implique mada. Et tu verras que tu seras surpris que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et le fait d'ignorer ce sens ou de le contredire, c'est très très grave. Les Allah Azza wa Jal, c'est qui? C'est celui qui mérite l'adoration. Allah al-Ilah. Tous ces noms, ça renferme sifat al-Uluhiyya. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui mérite l'adoration seul. Donc nous, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Si on a compris le sens, on doit mettre en application. Mais al-haqiqa, c'est ma'na la ilaha illallah. Enfin, celui qui contredit hada al-ism, qui adore autre qu'Allah, qui sacrifie pour autre qu'Allah, qui a peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat khawf, qui place sa confiance en autre qu'Allah, il annule son din. Comment il va espérer faire partie de ceux qui rentrent fil jannah avec hada al-fadl qui c'était dans ce hadith, alors que c'est un mushrik billahi azza wa jal? Ça nous montre que hada al-din, c'est des paroles, bien sûr c'est une croyance dans le cœur, et c'est des œuvres, c'est des actes, c'est ça l'iman. عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة. Donc الإحصاء on répète 3 degrés حفظها وفهم معناها والعمل بها. Et la référence Ibn al-Qayyim al-Imam rahimahullah dans son livre Bada'i' al-Fawa'id, le premier مجلد. قال شيخ العثيمين رحمه الله إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. Et ça c'est important. قوله من أحصاها دخل الجنة c'est lié avec le début du hadith. Et celui qui connaît et qui met en application 99 noms d'Allah سبحانه وتعالى, il rentrera في الجنة. دخل الجنة. Al-Haqiqa, c'est celui qui fait telle chose, il aura telle chose. C'est la récompense. La récompense de quoi? Elle est citée au début. Celui qui connaît 99. Et bien sûr qu'il les met en application selon ses capacités. Et al-mu'minun yatafawwatun. Certains, ils connaîtront plus de noms, ils connaîtront plus de sens, ils mettront plus en application. Et fadlullah, il est wasi'. Lakin, le plus haut degré, c'est celui qui connaît ces 99 noms ou plus, et il connaît le sens et il les met en application. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وليست مستقلة ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. Et ça c'est من حسن التأليف. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, kathiran, dans ses durus, dans ses livres, il explique une mas'ala avec un exemple très simple que tout le monde comprend. قَدْ يُشْكِلْ عَلَى وَعْدَ النَّاسِ التَّعْبِيرِ بِقَوْلِهِ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً. Et la liaison avec le deuxième hadith pour déduire que ce n'est pas limité à un nombre. Ça peut être assez compliqué pour certains. خاصةً ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, هنا, il cite un mithal très simple que tout le monde comprend. L'imad al-anna, on est tous touchés par elle. On a tous de l'argent, ou déjà eu de l'argent. Enfin, on va comprendre هذا المثال. قوله رحمه الله ونظير هذا أن تقول. Ça c'est pour faire le lien avec la mas'ala. Et si tu n'as pas compris le kalam précédent, ce mithal il va t'aider. قال تقول عندي 100 درهم اعددتها للصدقه جي 100 درهم pour faire une sadaqa. C'est exactement comme dans le hadith inna lillahi 99 isman. Allah il a 99 noms. فواحد يدي جي 100 درهم. قال شيخ العثيمين فانه لا يمنع ان يكون عندك او لا يمنع ان يكون عندك دراهم اخرى. Est-ce que ça veut dire que tu as que 100 dirhams là? لماذا؟ لان la suite est importante. قال شيخ العثيمين عندي 100 درهم اعددتها للصدقه. Ces 100 dirhams que tu viens de citer, pourquoi tu as ces 100 dirhams? Pour montrer que ces 100 dirhams ils sont réservés à telle chose. Maintenant, pour faire une sadaqa. Ou pour acheter un livre. Ou pour rembourser telle dette. Mouhim. Le nombre que tu cites, il est lié à une chose. Ça ne veut pas dire que tu as que 100 dirhams. On répète. عندي 100 درهم اعددتها للصدقه فانه لا يمنع ان يكون عندك دراهم اخرى لم تعدها للصدقه. Tu as 100 dirhams pour faire une sadaqa. Est-ce que ça veut dire que tu as que 100 dirhams là? Il y en a ces 100 dirhams, tu as cité, c'est pourquoi? C'est pour sadaqa. C'est exactement comme dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 99 noms. Pourquoi? La récompense, celui qui les connaît, les met en application, il rentrera au paradis. Est-ce que ça veut dire qu'Allah il a que 99 noms? Abadan. On a un autre hadith qui montre qu'il y a des noms qu'on ne connaît pas. Bal, al-waqi', celui qui étudie le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun il trouvera plus que 99 noms. هذا لا شك فيه. Les savants qui ont rassemblé les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont rassemblé plus que 99. هذا c'est clair, inshallah. قال فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. مثلا إلى de l'argent pour son loyer, il a de l'argent pour faire les courses, il a de l'argent pour payer ses factures, il a akhlafa, la chakanahu, il n'a pas que 100 dirhams. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. Une autre مسألة. Après avoir compris que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas limités. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les croyants à apprendre 99 noms, il a akhlafa. Cheikh Mouazimine, on a ici d'une faïda, il n'y a pas de dalil, hadith, sahih, qui rassemble ces 99 noms. Et ta'ammal li qawlihi wa lam yassih. Limala il a dit lam yassih, il y a des hadiths, tu trouveras des hadiths qui citent 99 noms, lakin ces hadiths ils sont faibles. Lam yassih fi hadha al-bab shay, tu n'as pas de hadith authentique, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 99 noms. Là. Tu as des hadiths qui citent 99 noms, lakin c'est des hadiths faibles. قال شيخ العثيمين والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. Et ça c'est un نقل جميل. شيخ العثيمين رحمه الله il l'a cité pour montrer أن il y a pas de hadith صحيح. L'unanimité des savants du hadith, ceux qui ont de la khibra fi hadha al-bab, ils ont des connaissances dans les chaînes de transmission, ils sont unanimes qu'il n'y a pas de hadith authentique. Ça te montre ماذا أخي الكريم, c'est une faïda azima pour toi. Anna, tu trouveras certains qui diront que le hadith il est imma authentique, imma il est hasan. Lakin si tu reviens à ahl al-khibra, ahl al-ma'rifa, ceux qui c'est leur domaine, tu verras que le hadith il n'est pas sahih. هذا تستفيد منه ماذا انت en tant qu'étudiant, en tant que tu veux la vérité, tu reviens à ahlul sha'n dans chaque mas'ala. Si tu veux connaître l'authenticité d'un hadith, reviens à ahlul hadith, al-a'imma al-kibar, et tu verras bi'idnillahi azza wa jalla très rapidement est-ce que le hadith il est sahih ou da'if. Amma on délaisse l'a'imma et on écoute le premier venu qui dit là le hadith il est sahih. Pourquoi? Il y en a un tel il a dit. Et c'est vrai, un tel il a vraiment dit, et ça s'arrête là, c'est pas du ilm hada. Là, al-hadith, pour savoir l'authenticité, il faut revenir aux muhadithoun, qui ont passé du temps fi hada al-bab, et qui ont sacrifié beaucoup de choses pour comprendre, et ils ont écrit des livres, il a akhir. Fil asanid, fil mutun, fil rijal, tu trouveras des livres, et celui qui a étudié hada al-ilm, il comprend hada al-kalam. قال وقال قبل ذلك أي شيخ الإسلام رحمه الله إن الوليد ابن مسلم c'est un rapporteur de hadith et فيه ضعف Et Al-Walid ibn Muslim, il est dans la chaîne de transmission de ce hadith, dans lequel c'est rapporté que le prophète sallam, il a cité 99 noms, l'un après l'autre. Allah ar-Rahman ar-Rahim ila akhirih. Fahada, on a dit c'est vrai. Et dans la chaîne de transmission, Al-Walid ibn Muslim, qala Sheikh al-Islam inna Al-Walid dhakaraha an ba'd shuyukhihi ash-shamiyyin kama ja'a mufassiran fi ba'd turuq hadith. Et n'am. Et Al-Walid il est vaïf. Donc ça c'est une illa. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il te cite hadal kalam pour te montrer pourquoi le hadith il est faible. L'unanimité des savants du hadith, qui a rien d'authentique à ce sujet. Thumma, une deuxième parole de Cheikh Al-Islam, anna dans la chaîne, dans cette chaîne de transmission, il y a Al-Walid ibn Muslim, un rapporteur, et il est faible. Wa qali muhadir rahimahullah fi fath al-bari, laysat al-illa inda al-shaykhayn, al-Bukhari wa Muslim, tafarrud Al-Walid faqat. بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الادراج. Deux autres علل. العلة c'est un défaut dans le hadith. La cause de sa faiblesse. Les ulama ils appellent cette cause, ce défaut, cette faille, علة. La première c'est Al-Walid ibn Muslim فيه ضعف. La deuxième الاضطراب والاختلاف. Et Marra, il a rapporté le hadith de cette façon, une autre fois il a rapporté d'une autre façon. وتعلمون ان الاضطراب الحديث المضطرب من أقسام الضعيف وهذا تقدم معنا في شرح البيقونية الاضطراب ça veut dire quoi? Ça veut dire se contredire, ne pas être sûr. Un jour rapporter le hadith de telle façon, un autre jour d'une autre façon. Les ulama ils acceptent pas هذا, خاصة si c'est un rapporteur comme le Walid qui est déjà faible à la base. Ça c'est une deuxième cause. ثم قال واحتمال الإدراج. الإدراج ça veut dire quoi? الحديث المدرج. Al-idraj, ça veut dire que le rapporteur, il cite une chose, et ceux qui rapportent le hadith, ils pensent que la parole du rapporteur, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Mathalan, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna lillahi tis'atan wa tis'in isman ila akhri. Le hadith, il est fait sahihain, il n'y a aucun problème. Ta'ammal, pourquoi al-imam, al-Bukhari, al-imam muslim, ils ont rapporté le hadith, ils se sont arrêtés à qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ahsaha dakhla al-jannah. Ils n'ont pas cité les noms. L'anna al-imam, al-Bukhari wa Muslim, c'est deux grands imams fil hadith. Ils ont des conditions précises, strictes, pour accepter la narration de n'importe qui. Pourquoi ils ont rejeté le rajout de Al-Walid ibn Muslim et d'autres rapporteurs? Limada, l'anna hum, après qawluhu, alayhi sallam, dakhal al-jannah, ils ont cité les hadith. Ils ont cité, aqsad, les noms d'Allah, 99. Allah ar-Rahman ar-Rahim ila akhri. L'imam Bukhari ou Muslim, ils n'ont pas rapporté la liste de noms. L'imada, le prophète sallam, il n'a jamais cité cette liste. Waouh! Ar-Ruwa, donc, après avoir cité le hadith, ils ont rapporté des noms. Pas en disant que c'était le prophète sallam qui avait dit, mais ils ont rapporté des noms. Et qu'annahu, c'est pour celui qui veut mettre en application ce hadith. Et certains rapporteurs, ils ont rapporté le hadith, c'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui avait cité les noms. Ça s'appelle l'idraj. Et faire rentrer la parole d'un rapporteur dans la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et avec les années, avec le temps, ils ne font plus la différence et ils pensent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit هذا الكلام. Tu as trois ilal, trois défauts. Al-Walid ibn Muslim, il est va'if. Al-Ittirab, des contradictions. Et l'idraj, ils ont fait rentrer des choses que c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam aslan qui a dit هذا الكلام. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. نعم. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99. لا شك أن المسلم trouvera beaucoup de noms dans le Coran, beaucoup de noms dans le sunnat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ijtihad pour les comprendre, il les met en application et il yahsul ala khair. Mais un hadith qui rassemble ces noms, c'est pas authentique. Et al-ulama, walillahi alhamd, ils ont rassemblé ces noms dans beaucoup de livres. Et Cheikh ibn al-Uthaymeen, il en a cité, on a 99. Qala rahimahullah wa qad jama'tu 99 isman مما ظهر لي من كتاب الله تعالى والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحاشية il a cité certains savants qui ont rassemblé, qui ont cité ces noms. Et ils ont rassemblé 99 noms. Donc Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, لماذا il a cité cette liste de noms? Et celui qui veut mettre en application هذا الحديث. Et ça c'est طيب. C'est من أنفع العلوم. Connaître الله سبحانه وتعالى. تقدم معنا في الأصول الثلاثة معرفة الله. Comment tu connais Allah subhanahu wa ta'ala? Par ses noms et ses attributs. Azza wa Jal. Le muslim, il doit donner du temps à هذا. Ou comme on a dit, une étude brève. La haqiqa, ce n'est pas min al-hikma. Et on a tous fait cette erreur de faire passer des ulum avant هذا العلم. Et al-ijtihad, donner beaucoup de temps à certaines sciences et négliger ça, ce n'est pas min al-hikma. لماذا لأن هذا العلم يفعل منتج إيمان هذا العلم سوف ينفّس تعقيدا هذا العلم كونت خلينا الله سبحانه وتعالى سوف تُفرغ لبُرت كل الزوتُلو. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas patienter أكثر, tu vas espérer أكثر, tu vas placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala أكثر. فسوف تدفع العلم في غير العلم. On doit faire des efforts في هذا الباب. Étudier هذه الأسماء ولو بالاختصار. Et cette partie du livre, elle est nafi'a. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahou Allah, il a cité que les noms. Il n'a pas cité d'explication ou de preuve. Il a cité une liste, rahimahou Allah. Et pour celui qui veut les apprendre. Et là, chaque anna, al-ulama, rahmatullah alayhim, ils ont expliqué هذه الأسماء. Ou al-muhaqqiq, rahimahou Allah, Cheikh Kamal, il a cité une brève explication de chaque nom. لكن كما تقدم معنا dans le درس d'hier, on ne lira pas aujourd'hui l'explication de ces noms. لماذا? Pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, القواعد المتلى, c'est des règles très très simples. Et nous, le but dans cette étude, c'est d'apprendre les règles, de les mettre en application, de les comprendre. Et étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité, c'est comme si on étudiait un deuxième livre. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité qu'une liste pour appuyer le hadith. En Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Parmi ces noms 99, celui qui veut les apprendre, il a akhir. Thaniyan, et inshallah, on espère pouvoir bientôt, peut-être après l'étude de l'Qa'id Mutla ou un peu après, on verra ensemble, inshallah, étudier un livre d'un imam de la sunna de ses noms, avec des preuves du Coran, avec des preuves de la sunna, avec une brève explication. Min ahsan al-kutub fi hadha al-bab min hayth al-ikhtisar wa al-tahqiq, c'est le livre qu'ils ont rassemblé de Cheikh Sa'di rahimahullah. Cheikh Sa'di rahimahullah, il a expliqué beaucoup de ses noms dans son tafsir, le muqaddima. Et بعض الطلبة, ils ont rassemblé ces noms, ou plutôt ces passages, et ils ont imprimé le livre bi ism sharh asma illah al-husna li Cheikh Sa'di rahimahullah. Et c'est un kitab tayyib, c'est des paroles de Cheikh Sa'di. كذلك, ils ont rassemblé les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim fi hadha al-bab kathiran, لأن الإمام القيم رحمه الله كان يعتني. Et celui qui a lu ces livres, يعلم هذا أنه, il a donné beaucoup d'importance, il a beaucoup expliqué ces noms. Ils les ont rassemblés dans un livre, et autres parmi les savants de la sunna. Enfin, inshallah, on lira ensemble ces noms من كلام الشيخ سعدي رحمه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. لا بس qu'on lit la liste الآن vu qu'elle fait partie du livre. L'explication, on la fera plus tard. كذلك, dans notre première étude de ce livre, avec d'autres frères, on avait lu Tahqiq Cheikh Kamal, certains passages, et une brève explication de chaque nom, et alhamdulillah, les durous, on les avait propagés. Et كذلك, les ulama, et c'est ça, l'aham, ils ont expliqué هذه الأسماء, celui qui veut une explication, il peut la trouver. Il peut la trouver très rapidement, très simplement. فنقرأ هذه الأسماء. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. فمن كتاب الله تعالى. Donc, il a divisé, il a partagé cette liste en deux catégories. Des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le Coran et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont cités dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن الباري البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم. نعم العالم le premier et le deuxième العليم. قال العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. هذه سي دي نو كي سون سيتي دون القران الكريم. قال ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد. الجواد فيه نظر اسكو سان اسم من اسماء الله عز وجل. المحقق قال ان الحديث لغير ثابت لو حديد او ك لو نو الجواد لي سيتي اي لفب. فبعض العلماء يقولون ان الجواد سي با اسم من اسماء الله عز وجل. En appliquant la règle ان اسماء الله عز وجل توقيفيه il faut un délit اما من الكتاب اما من السنه. قال والحكم والحي من الحياة pas من الحياة يستحي ne pas confondre avec la حياة la vie اما الحي ça vient de la pudeur. قال الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المحسن كذلك كذلك العلماء اختلفوا اسكو سان اسم من اسماء الله اي الحديث او لو نوم محسن الي سيتي الي با صحيح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبا بارلي دو سو نوم ابري افوار سيتي سيت ليست اي كو يا ان دوت ا سو سوجي سور لو نوم المحسن. فبعض العلماء يديس كو سان نوم الله بعض العلماء يديس كو نو سا روفيان او حديث. اي dans Al-Hashiya fi Al-Tahqiq Al-Muhaqqiq il a montré pourquoi le hadith il est daif et il a cité plusieurs ilal, plusieurs défauts. Parmi ces défauts dans la chaîne de transmission il y a Muhammad ibn Bilal et Rabah al-Ulama ils ont montré que Ahyanan il se trompait. كذلك Imran ibn Dawir ou Dawir Yumbar ضبط اسمه كثير المخالفة والبوهم قاله الدار قطني il se trompait beaucoup comme il a dit l'imam al-Dharqutni. Et هكذا d'autres ilal. قال المعطي المنان الوتر. Donc 99 noms. Combien من القرآن 81 من القرآن et le reste من السنة. قال شيخ ابن عثيمين هذا ما اخترناه بالتتبع. التتبع ça veut dire quoi en lisant, en revenant au Coran et la Sunna, en suivant les textes, à chaque fois qu'il trouvait un nom, rahimahullah, il l'a cité et il en a cité 99. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, on répète. Là, je sais qu'il y a certains noms, ils n'ont pas été cités. Et Inch'Allah, quand on étudiera le livre sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de Shur Sa'adi, on verra si on peut ajouter des autres noms. قال 81 اسما في كتاب الله و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي. Pourtant, l'argument qu'il a cité c'est من القرآن, لكن est-ce que le sens dans le verset c'est في حق الله عز وجل et c'est un nom d'Allah سبحانه وتعالى ou c'est autre, فهذا يا خلاف بين أهل العلم. فلهذا الشيخ ابن عثيمين قال عندنا تردد. Ah, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Il faut encore étudier le sujet encore plus. Et Inch'Allah, on essaiera de lire les paroles des savants sur ce nom al-Hafi dans notre étude prochainement, Inch'Allah. قال لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بحفية وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني. انظروا الإنصاف. إمام رحمة الله عليه. Et il savait très bien que le ulama akhtalafu fil muhsin. Il l'a cité dans la liste. Thumma, il a fait un tambih il n'a pas pu vérifier les rapporteurs du hadith que l'imam At-Tabarani, rahimahullah, il a cité. Hey, ça montre, c'est une tarbiya azima de ce shir, pour ses élèves et pour tout le monde. Anna, j'ai cité ce nom, mais vu qu'il y a un khilaf, fais une étude, ya akhi. Les anna ba'd al-ulama, ils disent qu'il est da'if. Et le shir Mu'adhimin, il n'a pas vérifié la chaîne de transmission. Donc il laisse une porte ouverte. Ça nous montre, anna, si on contredit un savant de la sunna, fait isbat ism, à cause d'un hadith, est-ce qu'il est faible, ou une autre mas'ala, c'est pas un naqs. Et ça ne veut pas dire que tu critiques le savant, bel. L'imam, le savant lui-même, il incite ses élèves à halal. Lakin, vu qu'on vit à une époque de taqlid, de ta'assoub, de jahl, wa'adnas, si tu lui dis, matalan al-muhsin, pour toi, c'est pas un ism. Et où il a lu que un grand savant de la sunna, athbata hada al-ism, il pense que tu contredis shir. Et ça, tu les contredis. Lakin, moi, qu'est-ce que ça va impliquer, inda? Si tu le contredis, c'est que tu l'aimes pas. Ah, ou tu crois savoir mieux que lui. Et, iyadan billah, ça fait des problèmes. Alors que là, nous, si on dit que le muhsin c'est pas un ism min asma'illah, kadhalik, des grands imams de la sunna, ils ont dit que l'ism il est pas faible. Donc, pourquoi je prendrais le rôle de mon shir ou toi de ton shir ou d'un autre? Là, on revient à l'ilm. Fa, انظروا الان, la chaîne de transmission, inda at-tabarani, qala al-muhakkik, alladhi inda at-tabarani, min tariq, ishaq, al-dubari, أو الدبري ينظر ضبط الاسم وقد خالفه جمع من الأئمة كأحمد والنسائي وغيرهم وقد تقدم أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. يا أن رابورتور كي سابيل إسحاق إلى خالف دي زمام كم الإمام أحمد رحمه الله. Le fait qu'il خالف الإمام أحمد sur ce point dans son récit, dans le fait de rapporter ce hadith, voilà, chacun a la parole de l'imam Ahmed, elle passe avant. L'imam Ahmed, c'est une référence dans le hifd ou l'itqan. Les savants, ils ont mis des tabaqat, des niveaux dans la mémorisation des imams. Tu as un niveau qui est très très élevé, le plus élevé, les grands imams, comme l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari, il a akhiré. Si tu as un rapporteur qui est en dessous, qui oublie, qui a certaines erreurs, et il khalif un de ses imams, les savants, ils reviennent à la base. Et ils n'acceptent pas son hadith. Ils disent da'if, ils disent shad, il a akhiré. C'est ça l'ilm, l'ilm al-hadith. Enfin, ceux qui ont rejeté le hadith, qui n'ont pas accepté hadal ism, c'est pas un jahla ou un hawa, c'est pas pour suivre leur passion. Là, et là, ils ont étudié les chaînes de transmission. On répète la parole du Cheikh Mu'adhimi, et les annana lamma tali ala rawatihi fit tabarani. Et t'alamoun, Cheikh Mu'adhimin, rahimahullah, l'amour et le respect qu'il avait pour l'imam Ahmed. Cheikh Mu'adhimin, là, Cheikh Anahu, s'il aurait su, anna al-imam Ahmed, khalafahu, ishaq, fi hada al-hal, là, Cheikh Anahu, il aurait pris en considération. Ça ne veut pas dire qu'il aurait dhaaf al-hadith, là, ça demande une étude plus approfondie. Lakin, là, Cheikh, qu'il aurait regardé. Ben, il nous a conseillé, nahnu, de rechercher. Et Nasa'i kadhalik, c'est un imam kabir, fil hifd, fil ilal ila akhir. Donc, alladhi yadhhar, c'est que le hadith il est da'if, donc al-ism, il faut forcément un hadith sahih pour l'accepter. Ou un autre dalil qui renforce ça, muhim, quelque chose de thabit. Qal wa qad dhakarahu shaykh al-islam min al-asma. Fa shaykh ibn Uthaymeen, vu qu'il savait anna shaykh al-islam, c'est un imam fil hadith, un imam fil aqidah, il précise on anna shaykh al-islam, il avait cité al-muhsin parmi les noms d'Allah. فالحقيقة cette جملة تستفيد منها كثيرا أن الشيخ ابن عثيمين il te montre, étudie et تأملوا, il a cité l'étude avant la parole du شيخ الإسلام. لأن l'étude العلم ça passe avant la parole de un tel من المشايخ. لكن vu qu'il a pas eu le temps, هنا il te renseigne أن un grand imam comme شيخ الإسلام il a accepté ce nom. Et pour te montrer أن le fait qu'il l'a cité, il l'a pas cité عن فراغ عياذا بالله أبدا. الشيخ ابن عثيمين c'est un imam في العقيدة. لكن ça ne nous empêche pas d'étudier et être d'accord avec le shir si on a un dalil, et le contredire dans ce point si on s'aperçoit que le hadith il est da'if. Et shir l'islam, rahimahullah, c'est à quoi c'est des références via hadal bab. Lakin ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Falihada ba'd l'ulama khalafu shir l'islam fi ithbat hadal ism. Et le fait de dire que le muhsin c'est un ism min asma'illah. Qala wa min asma'illahi ta'ala ma yakun mudhafan. Ça, c'est une précision importante. Les anna shir na'udhimin, rahimahullah ta'ala, il a cité 99 noms. et on répète la règle, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas limités à 99. Rouna, il cite une dernière précision. Anna, il n'a pas cité certains noms. Et Anna, s'il aurait cité, il aurait cité des autres noms, il aurait dépassé 99. Parmi les noms qu'il n'a pas cités, Asma Mudafa. Ça veut dire quoi des Asma Mudafa? Qala mitl malik al mulk wa dhil jalali wal ikram. Et d'autres. Asma al mudafa, c'est un ism qui est composé de deux alphab, deux mots. Maintenant, dhul jalali wal ikram. C'est un ism, asma illahi azawajal. Lakin bil idafa. Et c'est considéré comme des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu viens à citer tous les asma al mudafa, voilà, chaque que tu dépasseras les 99. والحمد لله هذا ما أردنا لهذه القاعدة et c'est l'avant-dernière des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et on la résume أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في عدد معين أو بعدد معين et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ne sont pas limités à un nombre précis et pour nous et maintenant on a un délit clair أن certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne les a pas dévoilés ça reste du domaine de l'invisible. Deuxième chose, Anna Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, par exemple, il a cité une liste de 99 noms, et il n'a pas cité tous les noms, awwalan. Et thaniyan, il a montré lui-même que Al-Asma Al-Mudafa, et les noms qui sont composés de deux mots, il ne les a pas cités. Et là, chaque en les rassemblant, tu dépasseras les 99. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a montré Anna, qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna lillah, 99 ismen. مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة أي الله سبحانه وتعالى إلى 99 نون celui qui les mémorise إلى آخر rentrera au paradis ça veut pas dire qu'Allah il a que 99 نون قال عليه الصلاة والسلام إن لله en arabe tu peux le traduire en français parmi les noms d'Allah 99 enfin celui qui apprend met en application 99 noms il aura la récompense c'est comme quand on dit en arabe j'ai 100 dirhams pour faire telle chose j'ai 100 dirhams pour acheter un livre. Est-ce que tu comprends, j'ai que 100 dirhams là? Les 100 dirhams, c'est fait pour acheter le livre. Enfin, on a les 99 noms, la Bissan Sam, il les a cités pour celui qui veut la récompense. Ça ne veut pas dire qu'il a que 99 noms. Et, Inch'Allah, hada, c'est clair, et cette règle, elle est très simple, et le prochain cours, on essaye de terminer la septième règle, et on aura fini les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les règles dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, révisez. Réviser hatta le prochain cours, si on arrive à faire la septième règle à l'air courte, si on arrive à la finir, s'il reste du temps, on révisera les six règles précédentes.